Thank you. Thank you. Los. papillon en l'air. Chacun est à sa place. Il n'y a pas de mystère. Thank you. Yeah. Time and